إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 1 et on commence un nouveau livre. C'est un livre qui s'intitule Zajr al-Mutahawin bi-darar qa'idat al-ma'dhirati wa-ta'awun. Qu'est-ce que ça signifie? Ça c'est un... En fait, pour expliquer le titre, c'est que il y a une règle qui a été établie par certains des gens de bid'ah. Et cette règle-là, ça s'exprime en arabe par al-ma'dhira wa-ta'awun. Ça, c'est un petit résumé pour cette règle. Al-ma'dhira, ça veut dire l'excuse, et al-ta'awun, ça veut dire la coopération. Donc, c'est zajr al-mutahawin, ça veut dire comme si de blâmer la personne qui est négligente, hein, la personne qui néglige ou qui néglige les effets négatifs de cette règle, de la règle de al-ma'dhira wa ta'awun, l'excuse et la coopération. Donc c'est un résumé d'une phrase ou bien d'une règle. Quand on la lit au long, en arabe, ça dit نَتَعَاوَنُ فِي مَتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ. Donc ça veut dire on coopère, on collabore, on travaille ensemble, on s'aide ensemble mutuellement dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, puis nous excusons les uns les autres au sujet des choses dans lesquelles nous avons des divergences. Donc ça c'est par rapport à cette règle. Qu'est-ce qui a été expliqué et qu'est-ce qui a été dit au sujet de ce principe-là? C'est une règle qui est appliquée par les ikhwan dans leur manhaj. Hein, c'est un de leurs principes dans leur manhaj. Et c'était une règle qui a été implémentée en premier par Hassan al-Banna dans son manhaj, mais également il l'a pris de qui? Il l'a pris de Muhammad Abdo. Il l'a pris de Muhammad Abdo ou bien de des gens de cette tendance comme Muhammad Rashid Rida, Muhammad Abdo, Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani. Hein, c'est eux qui ont ramené cette règle. Et comme vous allez voir aussi, il y a des ulama qui ont donné des paroles, qui ont clarifié leur position par rapport à cette règle, parce que dans cette règle, il y a une partie qui peut être vraie, mais il faut qu'elle soit clarifiée, il faut qu'elle soit spécifiée ou clarifiée d'une façon plus claire, sinon elle peut impliquer quelque chose de totalement faux et qui est contraire totalement à l'islam. Donc, on peut lire, par exemple, on pourrait lire, pour commencer, quelques fatwas à ce sujet-là de la part de certains des ulama, juste pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qui peut être dit au sujet de cette règle, avant de rentrer dans le livre. On a posé la question au Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen. « Qala hafizahullah » فقولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه hein? Quand on lui a posé la question au sujet de cette règle, il a dit فقولهم نجتمع فيما اتفقنا عليه فهذا حق أما قولهم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهذا فيه تفصيل فما كان الاجتهاد فيه سائغا فإنه يعذر بعضنا بعضا فيه ولكن لا يجوز أن تختلف القلوب من أجل هذا الخلاف أما إن كان الاجتهاد سائغ أما إن كان الاجتهاد غير سائغ فإننا لا نعذر من خالف فيه ويجب عليه أن يخضع للحق فأول العبارة صحيح أما آخرها فيحتاج إلى تفصيل. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen dans le livre الصحوة الإسلامية وضوابط وتوجيهات, il dit dans ce livre, au sujet de la question qu'on lui a posée par rapport à cette règle, il a dit, en ce qui concerne la partie qui dit, nous travaillons ou nous réunissons sur ce sur quoi nous sommes d'accord, hein, c'est نَجْتَمِعُ فِي مَتَّفَقْنَا فِيهِ, cette partie-là c'est vrai, mais l'autre partie, on s'excuse mutuellement sur les choses dans lesquelles nous sommes en désaccord. Ça, il faut spécifier et clarifier qu'est-ce que ça signifie. S'il parle de l'ijtihad qui est accepté dans l'islam et qui est permis dans l'islam, alors oui, dans ce cas-là, on peut dire que on peut s'excuser les uns les autres dans ce genre d'ijtihad. Mais il ne faut pas que, à cause de cette divergence-là, nos cœurs soient en désaccord et qu'on se divise en se basant sur ce genre de divergence-là. Parce que c'est des divergences dans des choses qui font partie de l'ijtihad qui est permis entre les ulamas, hein. Et en ce qui concerne si ça ne fait pas partie de l'ijtihad, des questions d'ijtihad, alors dans ce cas-là, on ne peut pas s'excuser les uns les autres dans ces choses-là. Et donc, par rapport à ce point-là en particulier, il est obligatoire pour chaque musulman de se soumettre à la vérité. Donc le cheikh, il dit la première partie de l'expression, elle est vraie, tandis que la fin de l'expression, elle est fausse. Ou bien elle a besoin d'être détaillée, c'est ce que le cheikh a dit. Mais ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de la question. Sinon, le Cheikh Hamad Ibn Ibrahim Al-Uthman, qui est un talib ilm du Koweït, il a expliqué et clarifié ce principe-là en détail. Il a donné des exemples, puis des clarifications, puis des principes qui nous aident à comprendre mieux c'est quoi la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par rapport à cette règle. Et alhamdoulilah, ce livre-là, il a été traduit en français, parce que je l'ai vu une fois quand j'étais en France, chez un frère, il avait une copie d'une traduction de ce livre. Toutefois, j'ai l'impression, comme si, par exemple, que certaines personnes qui ne connaissent pas le sujet du livre, probablement qu'en se basant uniquement sur la traduction, ils vont avoir de la difficulté à comprendre le sujet du livre. Parce que parfois, les traductions sont un petit peu technique, et puis c'est très difficile, il y en a à comprendre parfois, donc peut-être que le fait de lire ensemble, ça va nous aider à le comprendre un peu mieux. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner l'ikhlas dans ce travail, et en même temps de nous aider à le faire de la meilleure façon, et puis de faire en sorte que notre intention et notre but soient fondamentalement et principalement de trouver la vérité et de la connaître et de la suivre. Donc, alhamdoulillah, le cheikh, il commence par mentionner l'introduction qui a été faite par le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad au sujet de son livre. Hein, parce qu'il l'a donné au cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad pour qu'il le relise, pour qu'il lui donne une petite introduction. Et aussi également, le cheikh Al-Fawzan, il a relu son livre aussi, puis il lui a donné quelques conseils par rapport au sujet. Donc, il a été revu par deux parmi les grands ulama, et le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad a accepté d'écrire une introduction pour son livre. Donc, il dit dans l'introduction, Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. فقد اطلعت على الكتاب الذي ألفه أخي الشيخ حمد ابن إبراهيم العثمان حول مقولة أحد الدعاة عفى الله عنه ورحمه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فوجدته قيما مفيدا ذكر فيه مقدمات وأصولا في مسائل الخلاف وبين محاذير تترتب على إعمال تلك المقولة والتوسع فيها وختمه بنقول توضح ما في هذه المقولة من الحق والباطل عن ثلاثة علماء كبار يرحل إليهم طلبة العلم للاستفادة من علمهم وهم شيخنا العلامة المفتي الأنام شيخ الإسلام المحدث الفقيه عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز والشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين والشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظهم الله وبارك فيهم وفي علمهم ونفع بهم المسلمين. Donc le cheikh il commence en disant louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salut sur et bénédiction soit sur son messager, son serviteur et son messager notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et sur ses compagnons. Ensuite il dit, j'ai donné un coup d'œil ou bien j'ai lu le livre que le cheikh, notre frère Hamad ibn Ibrahim al-Uthman a écrit au sujet de la parole d'une des personnes qui fait partie des du'ats, que Allah le pardonne et lui fasse miséricorde, au sujet de sa règle qui dit nous coopérons, nous travaillons ensemble dans les choses sur lesquelles nous sommes d'accord, puis nous nous excusons les uns les autres dans les choses sur lesquelles nous avons des divergences. Il dit, j'ai trouvé que c'était un livre qui était vraiment bien et qui était très bénéfique. Hein? C'est un très bon livre qui est très bénéfique. Il a expliqué dans ce livre-là les introductions et les fondements au sujet des questions de divergence. Et il a expliqué également les méfaits et les choses qui sont néfastes qui pourrait être des conséquences du fait de prendre cette parole-là et de l'appliquer d'une façon large, hein, de l'appliquer d'une façon qui est trop large. Hein. Il a expliqué les effets négatifs qui pourraient suivre le fait de prendre cette règle-là de cette façon, d'une façon exagérée, puis de l'appliquer dans son sens large. Il a expliqué que ça pourrait avoir des effets et des conséquences très mauvaises. Il a également, à la fin du livre, fait une conclusion en citant les paroles des grands savants, hein, les trois plus grands savants de l'époque. Et il a clarifié donc leur position par rapport à ce qui est vrai et faux dans cette parole-là, en citant ces grands ulama vers lesquels les étudiants de sciences se retournent et vont pour étudier les sciences islamiques et pour profiter de leurs connaissances, c'est-à-dire le cheikh, le mufti, cheikh al-islam, le savant de hadith, le savant de fiqh, le cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, et le cheikh Mohammed ibn Uthaymin et le cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, que Allah leur fasse miséricorde aujourd'hui puisqu'ils sont déjà décédés, mais à l'époque ils demandaient à Allah de les préserver et de les bénir dans eux-mêmes et dans leur science et de faire en sorte que les musulmans puissent profiter de leur bien. Ensuite il dit wa kana al-la'iq bal al-muta'ayyan ala atba'i hadha ad-da'iyah بدلا من التوسع في إعمال مقولته هذه لتستوعب الفرق الضالة حتى لو كانت أشدها ضلالا كالرافضة أن يعنوا بتطبيق قاعدة الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه التي لا مجال فيها لأن يعذر أهل الزيغ والضلال فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة فجزى الله المؤلف على جهده ونصحه وبيانه خيرا وزاده توفيقا وهدى ووفق من أراد نصحهم للرجوع إلى الحق وسلوك طريقه القويم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc le cheikh il dit ici que ça aurait été préférable pour les gens qui suivent ce da'ya, et même que c'est même obligatoire pour chacun d'entre eux, les gens qui suivent ce da'ya, plutôt que d'élargir les règles, d'élargir l'application de cette règle pour inclure toutes les groupes et les sectes d'égarement, il aurait été préférable pour eux, au lieu de faire ça, de se retourner à la règle du fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'allier pour Allah dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer ou de s'opposer les uns les autres par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'appliquer al-wala wal-bara, ça aurait été préférable que de laisser rentrer dans cette règle tous les gens d'égarement, et parmi eux ceux qui sont parmi les plus égarés, c'est-à-dire même les rafidah, c'est-à-dire les Shia al-Rafida, une des sectes les plus égarées parmi les Shia. Donc, ils font rentrer tout le monde dans cette règle. Et le Cheikh, il mentionne les Rafida, et même ils font rentrer d'autres parmi les Kuffar, comme par exemple les Nasara et les Yahoud et les Laïcs et tous les Kuffar en général. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit que Allah récompense l'auteur de ce livre pour son effort et pour sa nasiha, pour sa clarification, et qu'il l'augmente en succès et en guidance. Et toute personne qui a voulu leur donner la nasiha à ces gens parmi les Ikhwan et les autres, pour qu'ils reviennent à la vérité et pour qu'ils suivent la voie qui est droite, et que paix et salut soient sur son serviteur et messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses fidèle et ses compagnons. C'est écrit par le Cheikh Abdul Mohsin Hamad Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr. C'est écrit à Médine en l'an 22, le 10e mois de 1418. Donc, Alhamdulillah, c'est pour dire que le Cheikh, il a écrit ça dans le but de faire revenir ceux parmi eux, parmi les Ikhwan qui avaient encore de la sincérité et qui acceptent la vérité. Quand ils entendent ces paroles-là, Inch'Allah, ils vont essayer de comprendre et de revenir à ce qui est vrai. Toutefois, ceux parmi eux qui ne veulent pas revenir, eh bien, quand même, le livre va être un avertissement pour les autres qui pourraient tenter de tomber dans leur égarement et de les suivre dans leur égarement, Inch'Allah. Et en particulier en Occident, parce que cette règle-là, elle est appliquée par plusieurs personnes parmi les du'at, plusieurs personnes parmi les gens qui font partie des du'at francophones en France et ailleurs, qui appliquent cette règle, et bien entendu ça induit beaucoup de monde en erreur, et on va savoir pourquoi Inch'Allah au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce livre. Le Cheikh, il commence l'introduction de son livre en disant: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاعلم أن العصمة والنجاة بالوقوف مع الألفاظ الشرعية كما أن الدين هو ما دلت عليه تلك الألفاظ من المعاني فهي الكفيلة بكل هدى وبيان والعاصمة من كل خطأ وزلل وفساد. أما الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة فإن تعليق الاعتقادات والأعمال والأحكام عليها يجر إلى أقوال باطلة ويتولد من الشر بسببها ما لا يعلمه إلا الله. Donc le cheikh il dit, il commence en citant encore une fois Khutbatul Haja, et ensuite il dit, sache que l'isma, la protection et le salut, sont dans le fait de se tenir aux termes et aux mots utilisés par la charia. Hein? Comme par exemple la religion, on sait que la religion de l'islam est établie et est indiquée par les termes et les mots qui sont utilisés dans la révélation et les significations que ces mots-là ont, ou les sens que ces mots-là peuvent avoir dans l'islam. Et c'est ça qui garantit ou qui fait en sorte que on puisse suivre la guidance et la clarification de cette religion-là, et c'est ce qui nous protège de toute erreur, de toute faute et de toute glissement, yani du fait de tomber dans quelque chose qui est incorrect ou erroné. Ça, c'est le fait de se tenir aux termes tels qu'ils sont révélés et de ne pas sortir des termes de la charia ou des expressions utilisées par la charia. Toutefois, quand les gens retournent à des termes ou des paroles ou des expressions qui ne sont pas mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, et qu'ils se basent et qu'ils s'accrochent à ces termes-là et à ces expressions-là pour clarifier ou pour parler des questions qui ont rapport avec la croyance, l'aqida, ou avec les questions de pratique, ou bien avec les règles, eh bien le fait de se référer à ces expressions-là, ça amène automatiquement à des fausses paroles, hein, et ça fait en sorte que des gens tombent dans beaucoup de choses qui sont très mauvaises et qui sont mal à cause de ces expressions-là. Et ça, c'est yani, uniquement yani, Allah subhanahu wa ta'ala qui peut savoir à quel point ça peut être négatif. Yani. C'est pour dire que c'est très négatif, mais seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît jusqu'à quel point ça peut être négatif. Et ça, ce principe-là que le cheikh est en train d'expliquer, on va le voir plus clairement dans le reste, dans le premier chapitre, hein, qui va suivre. C'est le fait de se limiter dans les paroles de l'islam, quand on parle de l'islam, de se limiter aux termes et aux expressions qui sont mentionnées dans la charia. Et ça peut poser un grand problème, en particulier lorsqu'on traduit des expressions et qu'on explique la religion islamique dans une autre langue. Et c'est pour ça, c'est très important quand on parle et quand on explique l'islam dans une autre langue en particulier. En arabe, c'est important de le faire. Donc imaginez, dans une langue autre que l'arabe, c'est encore plus important de le faire, c'est-à-dire de se limiter aux termes islamiques et aux expressions utilisées par la révélation, le Coran et la Sunna, et les paroles des salafs pour comprendre et expliquer et clarifier notre religion. Hein? Pour apprendre, clarifier et expliquer notre religion. Parce que, comme on va le voir plus tard, le fait d'utiliser des expressions qui ne sont pas dans la charia, ça peut impliquer beaucoup de choses qui amènent des ambiguïtés dans la religion. Puis ça peut mener même beaucoup de personnes à l'égarement. Puis, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que on va le voir tout à l'heure, inshallah. Le cheikh il dit, wa'alam, waffaqak Allah, anna sunni la yaqulu hatta yaqulu Allah wa rasuluhu. La yaqulu hatta yaqulu Allah wa rasuluhu. Kama amarahu Allah. La tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulih. والبدعي جعل دينه ما قالته شيوخه فإذا جاءت نصوص الوحي قال هذا مجمل وهذا مؤول. Donc le cheikh ici il est en train d'expliquer quelques petits points également qui ont rapport à cette question. Juste pour vous donner en passant un petit rappel ou bien une petite explication ou clarification, c'est que le sujet dont on parle aujourd'hui en réalité, ou le sujet dont on parle dans ce livre, est clarifié en détail dans les livres qu'on appelle les livres de Usul al-Fiqh. Parce que tout le sujet dont on parle, c'est un sujet qui est relié directement avec les questions de Usul al-Fiqh. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre. Et puis aussi, il y a une chose qui est reliée à ça, c'est que toutes les questions qui ont rapport à la façon dont on doit comprendre la révélation et comment on doit la suivre, et les principes qu'on doit suivre pour la comprendre. Donc, tout ça, ça a été clarifié dans les livres de Usul al-Fiqh. Et un des premiers savants de l'islam, parmi les imams des salafs qui ont clarifié ces principes-là, il y a parmi eux l'imam al-Shafi'i, qui a écrit un livre qu'on appelle al-Risala. Et dans ce livre-là, il a clarifié les bases de qu'est-ce qu'on appelle Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence islamique ou bien du fiqh, yani, si tu veux le laisser en arabe puisque c'est plus clair en arabe. Donc c'est juste pour dire que ces choses-là et ces principes-là ont déjà été clarifiés et expliqués. Mais là, le cheikh, il l'explique plus en détail dans ce livre-là. Tout ce qui a rapport avec le sens qui est apparent ou le sens qui est déformé ou expliqué ou interprété, tout ça, ça a été clarifié. Comme il y a des gens qui disent les salafis sont des littéralistes, c'est des gens qui regardent le texte mais qui ne comprennent pas le contexte ou des choses de ce genre, tout ça c'est en réalité des choubouhat, et ils essaient de faire comprendre aux gens que ces choses là c'est des choses qui sont ouvertes, que les gens peuvent discuter ou interpréter selon leur propre compréhension, selon le contexte, n'importe comment. Alors que les questions de al-zahir wal-mu'awwal et les questions de al-mujmal wal-mubayyan et les questions qui ont rapport avec al-mutlaq wal-muqayyad, tout ça, ça a été clarifié, expliqué dans les livres de Usul depuis des siècles, hein. Et c'est pas nouveau. Et les imams des salafs, parmi les sahaba et les tabi'in, eux, ils comprenaient et ils savaient très bien ces principes-là également. Et ce n'est pas l'imam al-Shafi'i qui a inventé cette science. Cette science, elle existait déjà dans les textes, déjà, puis elle existe à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, puisqu'ils suivaient des règles et des principes clairs pour interpréter et pour comprendre et appliquer la religion. Sauf que ces principes-là n'étaient pas mis en écrit encore à l'époque. C'est uniquement à l'époque de l'imam al-Shafi'i que l'imam a considéré que c'était nécessaire de les mettre par écrit, justement pour faire en sorte que cette science, cette compréhension-là soit préservée. Et en même temps, pour préserver et protéger la religion de l'islam, pour éviter que des gens commencent à jouer avec le Coran et jouer avec la Sunna pour essayer de faire dire aux textes que les textes ne disent pas, et pour essayer d'interpréter la religion selon les désirs et les passions des individus. Donc c'est une science qui a été rassemblée et clarifiée par ces imams de l'islam, justement pour comme protection de la religion, d'accord, pour éviter que des gens tombent dans l'égarement par rapport à le fait que certains d'entre eux auraient pu ignorer certains de ces principes-là. Donc en ce qui concerne le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit: sache que Allah te donne le succès, que la personne qui est sunni, c'est-à-dire la personne qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne dira rien excepté ou jusqu'à ce que Allah et son messager aient dit quelque chose au sujet de la religion. Elle ne va pas se placer devant la révélation ou essayer de dépasser la révélation. Et ça c'est expliqué dans le verset « La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih » dans sourate Al-Hujurat. Ou les croyants, ne vous mettez pas au devant d'Allah et de son messager. Vous n'essayez pas de dépasser Allah et son messager. Tandis que la personne qui est sur la bid'a, elle prend sa religion, ou elle établit, ou elle agit comme si sa religion, c'était ce que son cheikh dit. Et donc, lorsque son cheikh a parlé, c'est ça pour lui la religion. Et les textes de la révélation, lorsqu'ils lui viennent et qu'il voit que ces textes-là ne sont pas en accord avec ce que son cheikh a dit, alors il essaie de les déformer, et de les, fait, de les interpréter pour essayer de les rendre en accord avec, son cheikh, avec ce que son cheikh a dit. Donc, c'est la différence ça, entre le sunni et le bidaï. Le sunni, il voit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il suit. Hein, il ne se place pas devant. Tandis que le bidaï, il met la parole de son cheikh en premier. Puis qu'est-ce qui vient dans la révélation et dans le Coran et dans la Sunna? Il essaie de le déformer, de le changer pour que ce soit en accord avec les paroles de son cheikh. Et ils disent que la parole d'Allah, elle est peut-être incomprise ou bien qu'on a besoin de quelque chose pour le comprendre. Donc, Al-Mujmal, ils disent par exemple Al-Mujmal. C'est Mujmal. La parole d'Allah, c'est Mujmal. Ou bien la parole du prophète, c'est Mujmal. C'est-à-dire qui ne peut pas être compris par lui-même. Hein? Qui ne peut pas être compris par lui-même. Donc, c'est comme s'ils prennent la parole de leur cheikh et ils disent que la parole de leur cheikh, elle peut être comprise par elle-même. Mais la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut pas être comprise par elle-même. Et donc le cheikh il dit أما أقوال شيوخهم فلا يعتريها عندهم إجمال ولا إشكال ولا يحل لأحد مخالفتها ولو كان ذلك اتباعا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit en ce qui concerne les paroles de leurs shuyukh, alors elles ne peuvent pas être incomprises et elles ne peuvent pas contenir aucune complication ou difficulté, c'est-à-dire que il n'est pas possible pour quiconque de la contredire, tandis que si quelqu'un par exemple voulait contredire les paroles de leur shuyukh en se basant sur le Coran et la Sunna, il dirait non, t'as pas le droit, tu peux pas faire ça. Hein. Les paroles de notre cheikh, faut pas la contredire. Le cheikh il dit wa ba'du man tamakkana al-jahl wal-hawa minhu yu'azzimu al-aqwal wal-qawa'id al-mubtada'a ويغضب لها إذا تركت أو بين ما فيها من الخطأ والزلل وهؤلاء شأنهم شأن بعض الأعراب الذين يعظمون العادات الجارية التي يأمر بها المطاعون ويغضب لها إذا انتهكت أعظم من غضبهم لحرمات الله إذا انتهكت وهذا ضلال مبين. Le cheikh il dit, il y a certaines personnes que l'ignorance et les passions ont tellement une emprise forte sur eux qu'ils sont arrivés à respecter et à placer les paroles et les règles qu'ils ont innovées au-dessus de ce qu'ils ont comme respect pour le Coran et la Sunna. Et lorsqu'ils voient par exemple que ces règles-là et ces principes-là qui sont innovés, qui rentrent dans les bid'ah, sont contredits ou sont laissés tomber, ils se mettent en colère, hein, lorsqu'on les contredit, ou bien lorsqu'on explique les erreurs et les contradictions et les faussetés qui sont dans ces règles-là, ils se mettent en colère également. Le cheikh il dit, ceux-là sont comparables à certaines personnes parmi les bédouins qui respectent leur tradition, hein, les traditions qui sont établies par ceux qu'ils obéissent et qui se fâchent lorsque ces traditions-là sont contredites. Et par contre, si on contredit le Coran et la Sunna, ils ne se mettent pas en colère et ils ne se fâchent pas du tout pour la raison qu'on a désobéi ou contredit les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il se contredit quand on va en contradiction avec les règles de leur shuyukh ou les règles de leur tradition ou de leur coutume. Ça ils acceptent pas qu'on soit en contradiction avec ces coutumes là mais quand c'est les paroles d'Allah, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça il n'y a pas de problème de les contredire pour eux, hein. Et ça, c'est l'égarement évident. Comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il l'a expliqué dans Minhaj al-Sunnah, le volume 5, à la page 130, il dit « بَلْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ يَحْكُمُونَ بِعَدَاتِهِمْ أَلَّتِي يَنْزِلُهَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَالسَّوَالِ فِي الْبَادِيَةِ وَكَوَامِرَ الْمُطَاعِينَ فِيهِمْ يرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون وهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا أن يحكم بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالا كما تقدم أمرهم. Donc le cheikh ici il explique Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit? Il a dit il y a beaucoup de gens qui appartiennent à l'islam, qui jugent selon leur tradition que Allah n'a pas révélée. Et comme par exemple les gens qui suivent les traditions et les coutumes et les lois des bédouins dans le désert, hein, ou bien qui suivent par exemple les traditions de leur pays. Hein, il y a beaucoup de gens par exemple qui sont dans différentes ethnies, qui font partie des musulmans, quand ils ont des questions ou des problèmes ou des contradictions entre eux ou bien des divergences entre eux, à quoi ils retournent pour juger entre eux? Ils retournent à leurs traditions, à leurs coutumes, hein, ou au chef de leur tribu ou de leur village ou de leur des gens de leur peuple, et ils ne retournent pas à la charia que Allah a révélée dans ces choses-là. Et ils considèrent que c'est vers ça qu'il faut retourner pour juger et non pas au Coran et à la Sunna. Et ça, le cheikh dit ça c'est kufr. Parce que il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à l'islam et qui ont accepté l'islam, mais ils ne jugent que par leurs traditions. Hein, ces traditions-là qui sont établies par les gens qu'ils obéissent dans leur peuple ou dans leur communauté. Et ils disent, si ces gens-là savent que l'obligation qu'ils ont, c'est de juger selon la charia et qu'ils n'ont pas le droit de juger par autre que ce que Allah a révélé et qu'ils ne le suivent pas, hein, qu'ils ne le font pas, ils ne se basent pas sur la révélation et qu'ils rendent licite le fait de juger par ce qui est contraire à la révélation, dans ce cas-là ils sont kuffars, sauf s'ils sont ignorants. Comme on l'a expliqué déjà à ce sujet-là. C'est-à-dire, s'ils sont ignorants et qu'ils ne connaissent pas le jugement d'Allah, ou qu'ils ne connaissent pas qu'ils doivent absolument juger par la charia et non pas par leur coutume, dans ce cas-là, ils sont ignorants. Mais s'ils le savent et qu'ils contredisent la charia intentionnellement et avec connaissance, dans ce cas-là, bien entendu, c'est une forme de kufr. Hein. Et le cheikh, ça c'est en fait, on peut le résumer par la question qu'on appelle al-hukm bi ghayr ma anzalallah, la question de juger par autre que de ce que Allah a révélé. Et c'est pour dire que il y a une catégorie qui est kuf akbar et une catégorie qui est kuf asghar. Ok. Si quelqu'un le rend halal, ça devient kuf akbar s'il a la connaissance. Mais si il n'a pas la connaissance, puis il le fait par ignorance ou bien par ses passions ou des trucs comme ça, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Mais qu'est-ce que le cheikh veut dire? C'est que c'est la question de juger selon la révélation d'Allah. C'est pas seulement obligatoire, par exemple, pour les juges et les gens qui parlent, par exemple, les présidents des pays, des choses de ce genre-là. Mais même quand on retourne dans les questions de religion, quand on juge entre nous sur des divergence sur la religion et sur la croyance et sur le manhaj et toutes les autres questions de la religion, il faut se référer aussi à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas à des idées ou à des principes ou à des règles établies par notre chef ou celui qui est à la tête de notre groupe ou des choses de ce genre. Hein? Comme par exemple, si on a une divergence dans les questions de manhaj, et qu'on dit aux gens, on va retourner au Coran et à la Sunna, et quelqu'un nous dit non, on ne retourne pas au Coran et à la Sunna, on va retourner à qu'est-ce que a dit Hassan al-Banna, et on va se baser sur la règle de, par exemple, tel ou tel da'iya, et bien là, dans ce cas-là, ça c'est une autre forme aussi de juger selon autre que ce que Allah a révélé. Et ça c'est incorrect. Et ça s'applique également à qu'est-ce qu'on explique par rapport au fait de prendre autre que le Coran et la Sunna comme référence pour juger dans nos divergences. Donc c'est ça le point en fait. Et le cheikh il continue en disant ولما كانت الدعوة إلى الله من أجل الطاعات كما قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قام بهذا الواجب أفراد وجماعات وتباينت مناهجهم واختلفت طرائقهم بسبب تفاوتهم في العلم لأن العلم رتب ودرجات كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم وقد أدى اجتهاد بعض الدعاة إلى تأصيل قواعد دعوية يعمل بمقتضاها في الدعوة إلى الله والواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والسنة أصلا في جميع الأمور ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك ويبين ما في الألفاظ المجملة من المعاني الموافقة للكتاب والسنة فتقبل وما فيها من المعاني المخالفة للكتاب والسنة فترد. Donc le cheikh il dit que justement comme on expliquait en ce qui concerne les questions de da'wa, le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la, des obligations, des adorations et des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans le Coran, et qui est meilleur en parole que celui qui invite à Allah, qui fait des bonnes œuvres et dit je suis parmi les musulmans, ou je fais partie des musulmans, ou je suis du nombre des musulmans. Donc, ça c'est clair dans ce sens-là que c'est une obligation, dans le sens que c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une adoration aussi le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est Allah qui nous ordonne et qui nous demande d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a des gens qui remplissent ce devoir là et cette obligation là, que ce soit des individus que ce soit des groupes, et que on remarque qu'ils ont des divergences dans leur méthodologie et dans leur façon de faire la da'wah, et que leur méthode et que leur façon de faire la da'wah et les voies qu'ils suivent sont divergentes, soit à cause des différences de science ou le différent degré de science qu'ils ont, parce que la science c'est des degrés, hein, c'est pas tout le monde qui sont au même niveau de science, les gens sont en degré dans la science, il y en a toujours quelqu'un qui est plus savant que toi. Comme le cheikh il dit, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit, et au-dessus de chaque personne qui possède une science, il y a une autre personne qui est plus savante. Et bien entendu, celui qui est au-dessus de tous dans la science, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la science qui dépasse ce qui peut être imaginé par l'être humain. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses. Hein, et sa science englobe toute chose et enveloppe toute chose. Donc, il se peut qu'il y ait des divergences qui soient causées ou qui reviennent du fait que les gens ont des niveaux différents de science. Et certaines personnes, par exemple aussi, ont fait des efforts de jugement pour essayer d'extraire certaines règles dans la da'wa et ils agissent selon ces règles-là pour établir leur da'wah. Hein? Et on voit ça souvent, par exemple, des gens qui sont dans des groupes, hein, et qui suivent une organisation qui travaille dans la da'wah ou qui disent qu'ils veulent faire la da'wah. Et ces gens-là se basent sur certaines règles établies par une personne ou un individu. Et ils appellent les gens à suivre les règles établies par cet individu-là. Toutefois, ces règles-là sont souvent le fruit d'un effort intellectuel, hein, et d'une analogie, hein, et des réflexions et d'applications logiques que ces gens-là ont essayé de déduire par leur esprit, par leur raison, pour essayer d'arriver à établir leur méthodologie. Et c'est pour ça que le cheikh il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de faire, c'est de ramener ces règles-là qu'ils ont établies et de les juger selon le Coran et la Sunna, et de faire en sorte que le Coran et la Sunna et ce que Allah a révélé soient la base sur laquelle on ramène toutes les divergences et toutes les différences qui existent dans les questions de manhaj et dans les questions de da'wa et dans les questions de aqidah et de fiqh et de usul et de n'importe quelle autre divergence qui peut exister parmi les sujets qu'on étudie dans l'islam. Puis ensuite, le sheikh dit « ثم يرد ما تكلم فيه الناس إلى ذلك ». Donc tout ce que les gens ont pu dire dans ce qui a rapport avec la da'wa ou avec le manhaj, on le ramène tout ensemble, on le ramène au terme de la charia et au texte du Coran et de la Sunna ainsi qu'aux significations du Coran et de la Sunna. Et maintenant, et par la suite, on fait une analyse. On fait une analyse et on fait un tri. On regarde qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna parmi ces paroles et parmi ces significations que ces gens-là ont inventées. Ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, on va l'accepter. Et ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on va le rejeter. Et on va le repousser et on ne va pas l'accepter. Donc, c'est pour dire qu'il faut appliquer les règles du manhaj, c'est-à-dire les principes et les méthodologies et les règles qui sont basées et qui sont en accord avec le Coran et la Sunna. Et le reste, il faut le rejeter. Mais avant ça, bien entendu, il faut faire une analyse et une étude et ramener ces questions-là au Coran et la Sunna pour juger entre ces divergences-là. Donc le cheikh il dit ومن جملة هذه القواعد المتداولة في صفوف بعض الجماعات الدعوية قاعدة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا عليه وصاحب هذه القاعدة قد قبض رحمه الله وقد قبض رحمه الله تعالى وغفر له ولو كان حيا لرجعنا إليه فيها حتى نتحقق من مراده ونبين له لوازم قاعدته ولكننا رأينا عمل أتباعه بهذه القاعدة فظهر لنا مرادهم منها فهم لا يخصوها بأهل السنة في المسائل الاجتهادية غير المنصوصة بل وسعوا هذه القاعدة حتى وسعت أضل الفرق كالرافضة. Le cheikh il dit, et parmi les règles qui ont été répandues maintenant parmi les gens, entre les rangs des gens qui font partie des groupes qui appellent à soi-disant l'islam, il y a cette règle qui a été établie par un de ces personnages qui sont attribués à la da'wah ou qui font partie de la da'wah. Cette règle, c'est la règle qu'on a expliquée depuis le début. Nous nous excusons entre nous si on a des divergences, on s'excuse et on coopère entre nous sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Ça, c'est la règle en question. Il dit, le cheikh, que la personne qui a établi cette règle, elle est déjà morte. Maintenant, elle est décédée. Hein? Qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne. Le cheikh, il dit ça. Ensuite, il dit, si elle était vivante, on serait retourné la voir. Si la personne en question était vivante aujourd'hui, on serait allé la voir. Et on lui aurait demandé, qu'est-ce que tu veux dire par cette règle? Et qui est impliqué, selon toi, dans cette règle? Pour clarifier, qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais étant donné qu'il n'est plus vivant, aujourd'hui, on peut pas aller lui demander des comptes ou lui demander de nous expliquer sa position par rapport à cette règle. Donc, on peut pas le tenir pour compte, lui, maintenant, aujourd'hui, puisqu'il est plus là. Mais on voit ses fidèles et on voit les gens qui l'ont suivi après sa mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette règle et comment ils l'ont implémentée et appliquée? Et on a donc compris qu'est-ce que eux voulaient dire par cette règle-là. Et le cheikh il dit, et on voit dans l'application de cette règle qu'ils ne l'ont pas limitée uniquement aux gens de Ahl-Sunnah dans les questions d'Ijtihad qui n'ont pas de texte de la révélation qui sont claires à leur sujet. Hein? Comme par exemple, les questions d'Ijtihad, sur lesquelles il n'y a pas un texte clair du Coran et de la Sunna qui a été révélé à leur sujet, et qu'il y a eu des divergences entre les ulama de Ahl Sunnati wal Jama'a à leur sujet, ces questions-là font partie des questions d'Ijtihad, sur lesquelles on a le droit de diverger, sur lesquels il y a des divergences et les divergences sont excusables dans ces questions-là. Toutefois, ça c'est entre les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a qui ont une seule et même aqidah et qui sont sur un seul et même manhaj. Mais eux, ils l'ont appliqué à des gens qui sont en dehors de Ahl Sunnati wal Jama'a et qui font partie des gens qui ont les pires égarements, comme par exemple les Rafida, hein, qui insultent les Sahaba, qui font le shirk en invoquant et en priant les morts, qui font des constructions sur les tombes et qui font des pèlerinages à ces tombes et qui les invoquent et qui les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui les adorent dans, donc en dehors d'Allah. Tout ça, c'est des formes de shirk et des exemples de kufr. Donc c'est pour ça que quand on voit que des gens prennent cette règle et qu'ils l'appliquent et qu'ils l'élargissent pour faire rentrer tout le monde dedans, alors là on doit se poser des questions, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire par cette règle? Et là le cheikh il dit Wallahu ya'lamu kam kanat hadhihi al-qa'ida sababan li tabrir al-bid'a wa hashr maqalat ahliha ma'a maqalat ahli as-sunnah. Le cheikh il dit, et seul Allah sait à quel point des gens ont, à quel point cette règle ont été une cause d'égarement ou une cause pour justifier les innovations et les faire se répandre parmi les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a à cause de cette règle. On se tait et on laisse se répandre parmi les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a toutes sortes d'innovations, toutes sortes d'égarements, toutes sortes de faussetés à cause de cette règle. Et donc seul Allah sait à quel point cette règle-là a été néfaste pour les musulmans. Le cheikh il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالمعاني الثابتة بالكتاب والسنة يجب إثباتها والمعاني المنفية بالكتاب والسنة يجب نفيها والعبارة الدالة على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام أحد فظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه وإلا رجع إليه فيه. Le cheikh il explique ici que les règles, il dit que les significations qui sont affirmées et qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna, il faut les affirmer. Et les termes dans la charia qui sont niés, il faut obligatoirement les nier. C'est la même chose que lorsqu'on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les significations qui sont affirmées, il faut on les affirme. Et les significations qui sont niées, on les nie. Après le cheikh il dit والعبارة الدل على المعاني نفيا وإثباتا إن وجدت في كلام أحد. Donc s'il y a des paroles qui peuvent avoir plusieurs significations, une signification qui est bonne et une signification qui est mauvaise, ou une signification qui est niée et une autre qui est affirmée, si on trouve dans les paroles de quiconque une parole qui peut impliquer un double sens, un sens qui est bon et un sens qui est mauvais, ou une signification qui est bonne et une signification qui est mauvaise, hein, si on peut essayer de clarifier la signification de ce qu'il dit, d'accord, donc dans ce cas-là, on va juger sa parole selon ce qui apparaît dans le sens de qu'est-ce qu'il veut dire. Hein, qu'est-ce qui est apparent dans le sens quand il parle, si on est capable de comprendre lequel de ces sens-là il veut dire dans ses paroles, est-ce que c'est le sens qui est bon ou le sens qui est mauvais, alors on va juger cette parole selon le sens qui est le plus apparent. Toutefois, sinon, si c'est pas possible de clarifier lequel des deux sens il veut utiliser lorsqu'il dit ces paroles-là qui sont ambiguës ou qui prêtent à plusieurs sens, hein, qui sont équivoques, et bien dans ce cas-là, on retourne à cette personne-là pour lui demander de clarifier ce qu'il veut dire par ces paroles-là. Hein? Et donc, ça c'est les paroles, c'est une citation de l'imam Ibn Taymiyyah pour nous faire comprendre quelque chose à ce sujet-là. Le cheikh il dit والسبب الباعث لتأليف هذه الرسالة هو أن أحد طلبة العلم أصلحه الله وصف هذه القاعدة بقوله عليها نور من أثر النبوة. C'est-à-dire la cause pourquoi le cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman il a écrit ce petit livre, c'est parce que un des du'at ou un des étudiants de science, que Allah le corrige, hein, il le ramène à la droiture, il a écrit dans une, il a écrit ou il a dit que, ou il a décrit, il a dit en décrivant cette règle qui a été mentionnée, la règle des Ikhwan, la règle qu'ils appellent la règle d'or, eh ben, il l'a dit en parlant de cette règle qu'il y avait une lumière prophétique, hein, ou bien qu'il y avait une lumière qui, des traces de la prophétie sur cette règle-là. C'est comme ça qu'il l'a décrit, cette règle. Et c'était cité dans Jaridatul Amba, le volume ou le numéro 1227. Le nom de la personne en question n'est pas mentionné. C'est-à-dire, c'était qui exactement qui a dit cette parole? On ne le sait pas parce que ce n'est pas mentionné. Toutefois, on peut comprendre qu'il y a un problème avec cette citation-là et cette parole-là. Le cheikh il dit: أين هذا من الأئمة الراسخين الذين لا يطلقون ما لم يؤثر من العبارات بل الحافظ ابن حجر بل قال الحافظ ابن حجر ممتدحا الموفق ابن قدامة لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات. Donc le cheikh il dit: qu'est-ce qu'on peut dire quand on voit quelqu'un dire une citation pareille ou une parole pareille? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet de, au sujet de cette parole-là, alors que lorsqu'on voit des grands imams de l'islam qui sont fermement enracinés dans la science et fermement ancrés dans la science, ils ne disent pas un mot ou n'utilisent pas une expression, excepté si cette expression-là, elle est mentionnée dans la révélation. Et ils font exprès de faire ça, justement, pour éviter de tomber dans les ambiguïtés et dans l'égarement. Hein? Donc le cheikh il dit, comme par exemple Al-Hafid ibn Rajab, quand il parlait de Al-Muwaffaq ibn Qudama, un des grands savants de l'islam, il disait à son sujet, pour le glorifier ou pour lui faire une éloge, il disait, il n'était pas d'accord qu'on applique ou qu'on utilise une expression ou une parole qui n'est pas rapportée par une narration dans la révélation. Hein? Soit une citation dans le hadith, ou dans le Coran, dans le hadith, ou bien une parole des imams parmi les sahaba et les salaf salih. Donc ça c'est la position des imams. Souvent les imams ils disaient, si tu veux, avant de dire quelque chose, retourne voir est-ce qu'il y a des gens qui t'ont précédé à cette parole, pour éviter justement d'être la source d'une nouvelle égarement ou d'une bid'a, hein, et d'une parole qui va amener des ambiguïtés qui vont faire tomber des gens dans l'égarement. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Malheureusement, il y a des gens qui ne font aucune attention à ça, et en particulier quand des gens parlent en français, quand ils expliquent l'islam ou qu'ils parlent de l'islam en français, ils se laissent aller, ils ouvrent leur bouche et ils font tourner leur langue dans tous les sens, en train de dire des paroles de philosophie, des paroles des kuffars, des paroles des philosophes, des paroles des mubtadi'a, et qu'ils traduisent à tort et à travers parfois malheureusement, et ils utilisent ces expressions-là qui parfois induisent beaucoup de gens en erreur parce qu'on ne sait même pas de quoi ils parlent et à quoi ils se réfèrent exactement dans les termes arabes. Hein? Et donc c'est pour ça que moi, en même temps, je donne une nasiha aux frères qui font de la traduction des livres en français, lorsqu'ils traduisent, de garder les terminologies d'Ahl Sunnati wal Jama'a le plus possible, de les écrire en arabe, dans la phonétique, de ne pas les traduire, ou bien s'ils les traduisent, de les mentionner en parenthèses après ou avant, pour qu'on sache à quelle idée ou à quel principe il se réfère. Parce que sinon, on traduit, un traducteur va traduire un terme d'une façon, et un autre traducteur va traduire le même terme avec une autre expression ou une autre façon de le dire. Et donc, il y aura à la fin 5 ou 6 différentes façons d'exprimer le même principe. Par des termes différents, on ne sait même pas à quoi la personne se réfère exactement, puisqu'il y a trop de traductions du même terme, et ça amène les gens à tomber dans beaucoup d'erreurs à cause de ça. Hein? Et on le remarque surtout lorsqu'on lit les livres et les écrits des traducteurs parmi les Ikhwan et parmi les autres Hizbiyin ou bien les gens de Bid'a. Ils se réfèrent à des choses sans clarifier et sans expliquer exactement à quoi ils se réfèrent, et on ne sait pas les idées auxquelles ils se réfèrent. Et on retrouve ça également dans les livres en arabe. Lorsque des gens empruntent des idées des langues étrangères, comme par exemple de la langue française, de la langue anglaise ou d'autres langues, et qu'ils les traduisent, hein, en arabe, on voit que même juste en lisant l'expression, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la façon de dans la façon de dire les choses. On sent que c'est pas arabe. On sent que ça vient pas d'une origine arabe dans la façon de dire les choses, parce que ça sort du style arabe, hein. Et ça, on le ressent parfois, et on le remarque surtout dans les journaux, puis dans l'écriture moderne. L'écriture moderne arabe est très influencée par les langues étrangères, par l'anglais, le français et d'autres langues. Et c'est pour ça que beaucoup d'idées, beaucoup de principes sont traduites en arabe, puis on voit tout de suite que ça vient de l'étranger, ça vient pas de l'islam, du Coran et de la Sunna. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, on va y revenir. Le cheikh il dit: وَسَتَرَى فِي رِسَالَتِنَا هَذِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ هَذَا وَقَوْلِ الْعُلَمَاءِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ. Il dit الرَّاسِخِينَ. Il dit: وَقَدْ قَسَّمْتُ هذا البحث إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمات وقواعد في مسائل الاختلاف، والقسم الثاني ما يترتب على إعمال هذه القاعدة، والقسم الثالث أقوال العلماء في هذه القاعدة. Donc le cheikh dit, يعني tu vas voir dans cette risale يعني les divergences qui ont été, ou les différentes explications qui ont été mentionnées, hein, à ces sujets-là, de la part des grands savants de l'islam, comment ils ont clarifié ces choses-là. Et il dit qu'il y a trois chapitres dans ce livre, ou trois sujets, trois études, ou trois grands chapitres, c'est ça. Le premier, c'est les introductions qui ont rapport avec les règles au sujet des divergences. Le deuxième, c'est c'est quoi les conséquences de l'application de cette règle des Ikhwan. Et le troisième chapitre, c'est les paroles des ulama d'aujourd'hui et d'avant également. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet de cette règle, d'accord? Et juste pour vous raconter une petite anecdote, par exemple, par rapport à ce livre et comment je l'ai connu, moi, personnellement, c'est lorsque j'étais étudiant à Médine. J'avais acheté une copie de ce livre et je l'ai lu, et vraiment, mashallah, j'ai trouvé que le sujet du livre était vraiment intéressant, et j'ai vraiment aimé le livre parce qu'il a clarifié, même pour moi-même, beaucoup de points qui n'étaient pas clairs pour moi, surtout en ce qui concerne les questions de divergence, parce qu'on sait que les Ikhwan aiment beaucoup jouer sur les questions de divergence. Et ils reviennent toujours à dire: ah, mais il y a des divergences dans la religion. À chaque fois que tu leur poses une question sur quelque chose, ils disent: ah, mais il y a des divergences, les savants, ils ont divergé. Et puis, ils se permettent, à cause de la divergence, de faire tout ce qu'ils veulent, au nom de la divergence. Donc, c'est très important pour nous de comprendre exactement comment on doit agir par rapport aux divergences et comment on doit comprendre ces questions-là. Et lorsque j'avais lu le livre, j'ai tellement aimé le livre, mashallah, que j'en ai envoyé quelques copies à des amis par la poste. Et par la suite, du temps a passé, puis il n'y en restait plus. Le livre était épuisé, il n'y en avait plus disponible dans les librairies. Donc je retournais à chaque fois dans la Maktaba qui le publie, c'est Maktabatul Ghuraba, qui était à Médine à l'époque, et j'allais toujours pour demander: est-ce que vous avez reçu des nouvelles copie du livre, est-ce que vous avez eu une commande du livre? À chaque fois, ils me disaient: non, malheureusement, il n'en reste plus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une fois, j'étais dans le haram, c'était le ramadan, et c'était le moment de l'iftar. Et le frère qui vendait, qui était vendeur dans la librairie de Al-Ghuraba, il était justement assis parce qu'à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le Ramadan, il y a toujours des gens qui mettent un petit plastique par terre, puis dessus ils mettent des dattes, des yaourts, du pain, des choses comme ça. Puis les gens s'assoient pour briser leur jeûne, ils attendent le adhan. Et donc je passais entre les rangs et puis je me dirigeais vers ma place où j'étais. Puis j'ai rencontré en chemin le frère qui vendait les livres à la librairie Al-Ghuraba. C'était un frère afghan, si je me souviens bien, à l'époque. Et je l'ai vu, je lui dis salam alaykoum, wa alaykoum salam, on commence à discuter. Puis je lui dis, est-ce que vous avez reçu le livre Zajr al-Mutahawin, est-ce que vous l'avez reçu une nouvelle fois, Yann? Et il me disait, non, on ne l'a pas encore reçu, mais regarde, il m'a dit, regarde là, juste à côté, là, c'est le frère qui l'a écrit, c'est lui le cheikh qui a écrit le livre. Alors je me suis tourné, puis je l'ai regardé, je dis, salam alaykoum, wa alaykoum salam, il dit, ouais, je dis, c'est vous qui avez écrit le livre Zajr al-Mutahawin? Il me dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, mashallah, j'ai beaucoup aimé. Mais le pire, c'est que ce frère, je le connaissais déjà, je l'avais vu plusieurs fois à Masjid al-Nabawi et tout, mais j'ignorais que c'était lui l'auteur du livre. Donc je l'avais rencontré dans plusieurs fois auparavant, puis je ne savais même pas que c'était lui, subhanallah. Donc ça, c'est une petite anecdote, qu'est-ce qui m'est arrivé par rapport à ce livre et comment j'ai rencontré l'auteur du livre qui a écrit ce livre-là. C'est un frère du Koweït, un talib ilm, mashallah. Donc le cheikh, il termine l'introduction de son livre en disant « Wa hadha wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'a bima katabtu » وأن يهدينا والمسلمين إلى سواء السبيل إنه سبحانه نعم المولى ونعم الوكيل وأقدم شكري في هذا المقام إلى صاحب الفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان وفقه الله تعالى على ما تكرم به من مراجعة هذه الرسالة وإضافة بعض الفوائد والتعليقات عليها وكذلك أشكر فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد نفع الله به على ما أكرمني به من النظر في رسالة هذه نظرة علمية ثم تقريضها فجزى الله الشيخين الفاضلين خيرا ووفقهما لما فيه نفع الأمة ونصر السنة إنه جل وعلا سميع مجيب. نعم وكتب حمد ابن إبراهيم العثمان الكويت. Donc le cheikh il dit, donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ce que nous avons écrit bénéfique et de faire en sorte que cela guide les musulmans au droit chemin. Et bien entendu, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le meilleur des garants et le meilleur protecteur. Et je donne également mon remerciement au grand savant, le cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, parce qu'il m'a fait l'honneur de reviser mon livre et d'y rajouter quelques points bénéfiques et quelques commentaires. De même que je remercie également le cheikh Al-Allama, le grand savant Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, que Allah fasse qu'il soit bénéfique également pour les musulmans, parce qu'il m'a honoré par le fait qu'il a regardé cette risala d'une façon scientifique et qu'il a accepté d'écrire un mot en faveur du livre pour le mettre à l'introduction. Donc, que Allah récompense les deux grands cheikhs, hein, et aussi qu'il donne le succès à ces deux grands cheikhs pour qu'ils soient bénéfiques pour la Ummah et pour qu'ils donnent la victoire à la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'audient et celui qui exauce toutes les invocations des gens. Donc, alhamdoulilah, à ce sujet-là, on a terminé l'introduction. On va donc, je crois, s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis demain, on continuera et on commencera le premier chapitre du livre demain, Inch'Allah. D'accord? Donc, vous allez voir, Inch'Allah, dans les cours qui suivent, si Allah nous permet de vivre, que c'est un livre vraiment, vraiment intéressant et vraiment bénéfique. Et c'est pas seulement une réfutation de cette règle-là seulement, mais c'est une explication en même temps de plein de principes et de fondements qui ont rapport avec le manhaj des salaf en même temps. Donc c'est quelque chose qui va vous aider, Inch'Allah, et qui va m'aider moi aussi et vous aussi à comprendre encore mieux l'islam et à savoir vraiment de façon plus profonde la réalité de notre manhaj salafi, et qui va vous aider à répondre à plusieurs des shubuhat qui sont lancés justement par les adeptes, des gens qui suivent les groupes de Hizbiya et qui suivent leur passion au nom de ce qu'ils appellent aujourd'hui la divergence, le pluralisme, le multipartisme et la diversité, ainsi de suite. Ça, c'est leur da'wa aujourd'hui, hein, qu'il faut qu'il y ait une divergence, et il y a la divergence, il faut l'accepter, ainsi de suite. Et il y en a même comme Tariq Ramadan qui est allé jusqu'à dire que la divergence est par ordre de Dieu et donc il faut respecter la divergence, même par rapport au fait qu'il y a différentes religions, il faut respecter ça parce que il prétend que c'est quelque chose qui est un ordre divin. Il pense que yani c'est quelque chose qui a rapport à la façon dont il en parle, c'est comme si c'était la volonté dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, al-irada al-shar'iyya. Et on sait très bien que ça c'est l'irada al-kawniyya et non pas al-irada al-shar'iyya. Donc il faut faire la distinction entre les deux et bien clarifier ces choses-là. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le rendez-vous est demain à la même heure, Inch'Allah, 16h30 pour la France, 10h30 pour le Canada, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته